Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamezo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 13 mars, nous souhaitons une bonne fête au Rodrigue, ça vient du germanique signifiant glorieux, puissant, énigmatique, insaisissable, réservé, timide, méfiant et secret. Rodrigue est nerveux, même s'il apparaît plutôt flegmatique. Son inquiétude existentielle contribue à le faire douter de lui et de ses capacités. Aussi se réfugie-t-il parfois derrière un sourire ironique et une attitude détachée, réprimant alors sa sensibilité. Solitaire, il est d'une nature introvertie, enclin à se poser des questions cérébrales et intellectuelles. Il peut connaître, du fait de son set karmique, deux formes d'esprit totalement antagonistes. Soit sceptique, cartésien et scientifique, s'opposant avec virulence à l'irrationnel, soit mystique, intuitif, voire clairvoyant, intéressé par les sciences humaines ou la parapsychologie, vivant ainsi les vibrations de son maître nombre 11, idéaliste, altruiste, utopiste et sage. Son nombre actif le porte à s'écarter du conformisme, à multiplier les expériences, à chercher longtemps sa voie et à se tourner vers l'occultisme. Attention toutefois qu'un certain fanatisme ne vienne se greffer sur ses idéologies. Sa forte imagination, alliée à son intuition, peut lui donner du génie. Mais il peut avoir des difficultés à concrétiser ses projets qui sont parfois difficilement réalisables. C'est alors que des phases dépressives sont possibles chez cet être sensible et vulnérable. Dicton du jour, en mars, autant de gelée, en avril autant de poussée. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale contre l'endométriose et en Afrique c'est la journée africaine du scoutisme. Et dans les événements qui se sont déroulés un 13 mars, en 1781, c'était la découverte d'Uranus par William Herschel. En 1852, l'oncle Sam devenait le symbole des États-Unis. En 1963, c'était l'adoption du lys blanc comme emblème floral du Québec. En 1989, Tim Berners-Lee, informaticien au Conseil européen pour la recherche nucléaire, proposait un système hypertexte distribué sur le réseau informatique interne qui deviendra le World Wide Web, WWW. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le groupe U2 et leur titre Song for Someone. Not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you, I found a rhyme. If there is a light you can always see, and there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a song, a conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. I was told I'd feel nothing the first time. You were belong to you, but this could be. There is a light. light you can't always see, and there is a world we can't always be. If there is a kiss I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out. YouTube sur RGM, il est presque 8h37, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Il s'en est un 13 mars 1943, naissance d'André Téchiné, réalisateur français à qui l'on doit Jean Braspas, Les Roseaux Sauvages, récompensé par les Césars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, ou encore La fille du RER. 1946, naissance de Yann Arthus Bertrand, photographe, reporter, réalisateur, écologiste français. 1950, naissance de William H. Macy, acteur américain, vu dans Jurassic Park 3 dans le rôle de Paul Kirby, La Défense Lincoln, la série télé Urgence dans le rôle du docteur David Morgenstern, ou encore Shameless dans le rôle de Frank Gallagher. 1957, naissance de Jean-Yves Lafesse, humoriste français, connu pour ses canulars téléphoniques ainsi que ses gags auprès des passants dans la rue. 1959, naissance de Pascal Légitimus, humoriste, acteur, réalisateur, scénariste français, membre du groupe Les Inconnus, vu dans Le Téléphone Sonne Toujours deux fois, Les Trois Frères ainsi que Les Trois Frères Le Retour dans le rôle de Pascal Latour, Les Rois Mages dans le rôle de Gaspard, Madame Irma ou encore Mince Alors, à la télé dans Camping Paradis, Scène de Ménage ou encore Caïn, scénariste du film Le Téléphone Sonne Toujours deux fois, réalisateur du film Les Trois Frères, Le Retour. 1960, naissance d'Adam Clayton, musicien britannique, bassiste du groupe U2. 1967, naissance de Pascal Elbé, acteur français, vu dans Le Raid dans le rôle de Mathias Morin, Trois Amis dans le rôle de César, L'Emmerdeur, Neuilly sa mère, comme Les Cinq Doigts de la Main dans le rôle de Jonathan Ayoun, Sous les Jupes des Filles, Brillantissime de Michel Larocque sorti l'année dernière dans le rôle de Max, à la télévision dans Une Chance de Trop ou encore Les Bracelets Rouges d'ailleurs qui ont fait son retour lundi soir, enfin leur retour du moins lundi soir, c'est plus français, et il interprète le rôle de Yves. 1974, naissance de Thomas Enquist, ancien joueur de tennis suédois ayant fait carrière de 1991 à 2005, qui était numéro 4 mondial en 99, qui a été une fois finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Wimbledon et huitième de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open. 1978, naissance de Faustine Méret, ancienne véliplanchiste française médaillée d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. 1982, naissance d'Eduardo Savrin, cofondateur du réseau social Facebook. 1983, naissance de Doumams, rappeur français, membre de Section d'Assaut, qu'on écoutera dans quelques instants. 1984, naissance de Steve Darcis, joueur de tennis belge, professionnel depuis 2003, qui est meilleur classement ATP, la 38e place atteinte en 2017, 16e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Roland-Garros, 32e de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, deux fois finaliste en Coupe Davis avec la Belgique en 2015 et 2017. 1983, naissance d'Emile Hirsch, acteur américain vu dans Alpha Dog dans le rôle de Johnny True Love, Into the Wild dans le rôle de Christopher McCandless, Harvey Milk, bientôt à l'affiche du film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Il interprétera le rôle de Jay Sebring. Vu également à la télé dans Urgence ou encore la mini-série Bonnie and Clyde Dead and Alive dans le rôle de Clyde Barrow. 1989, naissance de Pierre Ninet, acteur français qui fut pensionnaire de la comédie française de 2010 à 2015, vu dans le film Nos 18 ans, LOL dans le rôle de Julien, Les Neiges du Kilimandjaro, 20 ans d'écart dans le rôle de Balthazar Apfel, Yves Saint-Laurent dans le rôle d'Yves Saint-Laurent, récompensé par le César du meilleur acteur, il est d'ailleurs le plus jeune comédien à avoir remporté ce prix, vu également dans La Promesse de l'Aube ou encore Sauver ou Périr, sorti l'année dernière, où il a interprété le rôle de Franck Pasquier. 1992, naissance de Kaya Scodelario, actrice et mannequin britannique, vue dans Le Choc des Titans dans le rôle de Pefest. En 2011, dans Les Hauts de Hurlevent, vue dans Le Labyrinthe, La Terre Brûlée et Le Labyrinthe, Le Remède Mortel dans le rôle de Teresa. Vue également dans Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar dans le rôle de Karina Smith ou encore la série télé Skins dans le rôle d'Elizabeth Stoneham alias Effie. 1995, naissance de Michaela Schifrin, skieuse alpine américaine, double championne olympique, quintuple championne du monde, seule skieuse de l'histoire à compter 4 titres mondiaux gagnés d'affilée dans une discipline, triple gagnante du classement général de la Coupe du Monde et record woman du nombre de victoires en slalom sur le circuit mondial. En 2010, décédé Jean Ferrat, chanteur français. En 2012, décédé Michel Duchossois, acteur français, vu dans Le Retour du Grand Blond, Je te tiens, tu me tiens par La Barbichette, L'Instinct de mort, ainsi que L'ennemi public numéro 1 dans le rôle du père de Jacques Mesrine, Le Petit Nicolas, Astérix Obélix au service de Sa Majesté dans le rôle d'Abrara Coursix, ou encore la saga de l'été Zodiac dans le rôle de Gabriel Saint-André. Et en 2013, décédé Francis Lax, acteur français, personnalité du doublage. Célèbre pour sa voix au timbre comique, il a notamment été la voix de Samy dans Scooby-Doo, des Schtroumpfs maladroits et à lunettes dans Les Schtroumpfs. Il a aussi doublé de nombreuses séries, il a été la voix de Magnum, de Hutch dans Starsky et Hutch, de Looping dans l'Agence Touriste, et il a été la voix de Harrison Ford dans la première trilogie de Star Wars, ainsi que dans Indiana Jones et Le Temple Maudit. Allez, petite pause jingle avant de parler des sorties cinéma. Vous exercez un métier dans le bien-être ? Vous voulez faire connaître votre travail à tous ? Eh bien, vous pouvez exposer les 27 et 28 avril au Salon des métiers du bien-être au Palais des Congrès de Remiremont. Pour postuler, il faut passer par la page Facebook Thérapeute Zen ou par le site internet thérapeute-zen.com. On se retrouvera les 27 et 28 avril au Salon des métiers du bien-être au Palais des Congrès à Remiremont. Voilà pour le jingle du Salon des métiers du bien-être. Allez, on parle cinéma comme tous les mercredis. On commence avec Ma vie avec John F. Donovan, un drame de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob Tremblay ou encore Suzanne Sarandon. Autre film, Mon bébé, comédie dramatique de Lisa Aluelos avec Sandrine Kiberlin, Thaïs Alessandra ou encore Victor Belmondo. Autre film, Rebelle, comédie d'Alan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau ou encore Audrey Lamy. Autre film, Dragon Ball Super Broly, un film d'action de Tatsuya Nagamine avec Patrick Borg, Eric Legrand et Marc Lesser. Autre film, Convoi Exceptionnel, comédie de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Christian Clavier ou encore Farida Rawadj. Autre film, Rosie Davis, un drame de Paddy Britnak avec Sarah Green, Modern Ford et Ellie O'Halloran. Autre film, La liste de Schindler qui sort en version restaurée. Hein. C'est un film historique qu'on a déjà vu. Autre film et dernier, Meltem, un drame de Basil Doganis avec Daphné Patakaya, Rabah Naït Oufella et Lamine Sissoko. Voilà pour les sorties cinéma. On écoute tout de suite Section d'Assaut avec Ma direction. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard ton public te piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du grand, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canons. Tout ça se fait pour moi, ce qui doute est la taronne. J'ai pété les plans, j'ai pété les plans. J'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école. Si seulement tu savais. Le mal que je garde, le mal que je garde. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus tout bête, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction.

de Dijon. Un mot de biathlon avec les championnats du monde. Hier après-midi, c'était l'individuel féminin qui a été remporté par la Suédoise Anna Öberg. Zéro faute qui s'est imposée devant son public. L'Italienne Lisa Vitozzi a décroché la deuxième place. Zéro faute au tir également. Et la troisième place est pour Justine Brezaz. Une faute au tir, mais très en forme sur les skis. 22 ans, premier podium individuel. Et quel podium puisqu'elle le décroche au championnat du monde. Et elle qui n'était pas du tout sûre hein, de courir à Östersund puisqu'elle avait... le statut de remplaçante, hein, c'est suite au forfait et à la maladie d'Anaïs Bescon qu'elle a pu courir. Eh bien voilà, elle décroche ainsi une médaille de bronze. On est donc à 3 médailles de bronze pour l'équipe de France. Pour les autres filles, 20e place pour Célia Aymonier qui était très en forme sur les skis, meilleur temps de ski. 24e place pour Julia Simon et beaucoup plus compliqué pour Anaïs Chevalier qui a décroché la 49e place cet après-midi. C'est l'individuel messieurs. 4 Français seront au départ. Martin Fourcade, bien évidemment, avec Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, et on aurait pu s'attendre à avoir Antonin Guigonat. Et non, ce sera Simon Fourcade qui sera aligné sur l'individuel. Antonin Guigonat a publié ceci, notamment sur son compte Instagram. J'ai fait le choix de ne pas tenter ma chance demain, donc aujourd'hui, sur le 20 km. Pourquoi ? Parce que la semaine est très chargée et que je veux être le meilleur relayeur possible en équipe et jouer ma carte crânement sur la Mastart dimanche. En plus, j'ai la chance d'avoir un remplaçant de qualité avec Simon Fourcade. Fais-toi plaisir, mon pote. Voilà la déclaration d'Antonin Guigonat hein, sur son compte Instagram. Et Simon Fourcade qui est plutôt pas mal hein, en individuel. Donc voilà, on croise les doigts pour nos tricolores cet après-midi. Allez, on parle tennis avec le tournoi d'Indian Wells et l'élimination de Novak Djokovic en 2-7 face à Kohlschreiber, 6-4 6-4, Rafael Nadal s'est qualifié en 2-7 face à Schwartzman, 6-3 6-1, Federer qualifié en 2-7 face à son compatriote Stan Wawrinka 6-3 6-4, et à noter l'élimination de Marin Cilic, tête de série numéro 10 face à Shapovalov en 2-7. Aujourd'hui, mon fils affrontera Kohlschreiber, Nadal sera opposé à Krajinovic, Federer à Edmund, Raonic à Struff, Tim à Karlovic et Isner à Kachanov. Côté féminin, c'est l'hécatombe des têtes de série puisque Bertens, tête de série numéro 7, s'est inclinée face à Muguruza en 3-7. Simona Halep, tête de série numéro 2, s'est inclinée face à Vondrousova en 3-7, 6-2, 3-6, 6-2. Et Osaka, numéro 1 mondial, s'est inclinée face à Bencic en 2-7, 6-3, 6-1. A noter que Kerber s'est qualifié en 3-7 face à Sabalenka. Aujourd'hui, Muguruza affrontera Andreescu et Svitolina sera opposée à Vondrousova. Un mot de basket avec les résultats de NBA où l'équipe de New York, toujours privée de Tilikina, s'est inclinée face à l'Indiana et les Chicago Bulls de Luau Cabarro, qui n'a inscrit aucun point, s'est incliné face aux Lakers de Los Angeles 107 à 123. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de la Ligue Magnus et le match 7 a vu la victoire d'Amiens qui s'est imposé 7-2 face à Bordeaux. Amiens est donc qualifié pour les demi-finales. Un mot de cyclisme maintenant avec aujourd'hui le début du Tirreno Adriatico où on retrouvera notamment Julien Alaphilippe. Et avant de marquer la dernière pause musicale, un message pour vous dire que ce soir il y a une conférence débat citoyen à 20h30 à la salle multi-activité en partenariat avec la mairie de Saint-Étienne et avec Adémat. Voilà, donc on marque tout de suite la dernière pause musicale avec Jean Ferrat et Aimé à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte.